Chapitre 17e. Henri passa la moitié de la nuit à se promener sur les boulevards et sur les quais. Il regardait les étoiles. Il lui prenait des envies subites de pleurer. Au petit jour, il essaya de dormir, mais le rêve le tint réveillé. Il s'approcha d'une table et tout son cœur déborda dans une lettre qu'il écrivit à M. de Carlepont. « Que n'êtes-vous là, mon père? Et pourquoi faut-il que vous ne la connaissiez pas? J'ai le cœur déchiré, et il me semble cependant que jamais je n'ai été plus heureux. Je voudrais rassembler tous mes souvenirs pour vous dire tout, et il m'échappe. Où l'ai-je rencontré? Comment l'ai-je connu? Pourquoi mon cœur s'est-il donné tout entier? Je ne sais. Mais ce que j'ai bien compris, c'est que du premier regard, j'étais à elle. Maintenant, la vie me paraît impossible sans Julie. Quand je pense qu'un hasard pourrait faire que je ne la visse plus, le frisson de la mort me saisit. Son cœur s'est ouvert à moi il y a quelques heures, je ne lui demandais rien. Elle m'a tout dit. Quelle torture et que de délices pendant cette confession. Il me semblait que quelque chose m'unissait à elle. Quelque chose qui venait de son cœur et qui entrait dans le mien. Une âme ne se donne-t-elle pas quand elle se confie? Tandis qu'elle parlait, on voyait des larmes dans ses yeux. Elle ne voulait pas qu'on les aperçût, l'orgueilleuse, et ses regards en étaient tout mouillés. Il s'est trouvé des créatures humaines qui l'ont rendue malheureuse. Son mari, et sa mari, n'a pas su la défendre, pas plus qu'il n'a su l'aimer. Quelqu'un a pu la rencontrer jeune, parée de toutes les séductions de l'innocence et de la beauté. Il a pu tout lui offrir, et il ne s'est pas dévoué jusqu'à son dernier souffle. Ah, le misérable! À cet endroit de sa lettre, Henri nommait M. Dalbreuse et racontait ce qu'il savait de son existence agitée. Et il pénétrait dans l'intérieur de la maison, il faisait voir Julie et la peignait en quelques mots tels qu'il la voyait. C'était une fièvre, un délire. L'idole était sur un piédestal de nuée en pleine lumière. « Comprenez-vous, mon père ? » continuait-il. Elle a mis sa main dans la mienne. Un instant, elle y a laissé. Un voile l'a passé devant mes yeux. J'ai juré de lui appartenir jusqu'à ma dernière heure. Et maintenant, je ne désire plus rien. Ma vie a un but, le plus charmant et le plus sacré. Ah, je sais que ce n'est pas celui que vous faisiez voir à mon activité, celui que vous désiriez pour moi, et vers lequel mon imagination tendait avec ardeur autrefois. Ne me blâmez pas avant de la connaître. Que me fait de n'être rien si elle m'aime? Que me fait d'être quelque chose si son cœur n'est pas à moi? Y a-t-il un autre bonheur dans la vie que celui de se dévouer à un être fier et blessé qui souffre? Quelle ambition est plus haute que celle de posséder une âme endolorie qu'on sauve? Si par moi elle se réconcilie avec l'espérance, si Julie apprend de nouveau à sourire, il me semble que ma tâche aura été remplie. Mais permettra-t-elle seulement que je me consacre à la servir? La lecture de cette lettre achevée, M. de Carlepont partit sur le champ pour Paris. Il éprouvait un mélange de colère et de chagrin. Dès les premières lignes, il avait vu clair dans cette histoire. C'était la première crise, la plus redoutable, la crise de l'illusion. « Efforcez-vous donc de faire un homme !» se disait-il tout en fuyant la Cormelle. « Appliquez à cette œuvre sainte tout ce que vous avez de force et de tendresse dans le cœur, d'intelligence et de raison dans le cerveau. Passez une comédienne et l'homme disparaît en fumée. » Le duc se consolait cependant par cette pensée que c'était peut-être une crise salutaire, et qu'Henri était plus fort ayant été plus éprouvé. Le métal le plus dur n'est-il pas celui qui a passé par la fournaise et qui a été le plus martelé? Ce qui l'étonnait seulement, c'était l'exaltation du langage. Lui aussi il l'avait aimé, et il ne pouvait pas se vanter d'avoir toujours choisi des vestales pour idoles. Mais cette idée de les mettre dans des châsses ne lui était jamais venue. Il est vrai que lui était un Gaulois, fils de Gaulois. Le premier soin de M. de Carlepont en arrivant à Paris fut de courir chez Gilbert. M. de Lantin ne fit qu'un bond dans les bras du maître de la Cormelle. « Peste ! » fit le duc en jetant un regard autour de lui. « Le nid me dit quelle chanson y chante l'oiseau qu'on doit y rencontrer de temps à autre. » Gilbert sourit. « La chanson a 30 refrains. Aucun ne pousse à la mélancolie, » dit-il. Monsieur de Carlepont frappa sur l'épaule du jeune homme. « Déjeune-t-on quelquefois ici ? » reprit-il. « Toujours. Alors à table, lestement, et qu'on ferme la porte. Mon appétit de province ne se plaît pas au dérangement. D'ailleurs, nous avons à causer. Je m'en doute. » 5 minutes après, Monsieur de Carlepont attaquait vigoureusement un pâté avec la tranquillité d'un homme qui sait que le temps et la résolution ne lui manqueront pas pour achever l'œuvre commencée. « Ça, reprit-il, mon fils assoit-il souvent à cette table autour de laquelle fredonnent tant de refrains ?» Gilbert secoua la tête. « Henri n'aime pas les chansons, dit-il. Tant pis. Je veux bien qu'il n'en raffole pas. Mais à son âge, on peut en essayer du bout des lèvres. Que fait-il donc ?»« Il marche dans les étoiles. » Et personne n'est là pour lui crier casse-cou. Est-ce qu'il entendrait ? Monsieur de Carlepont posa la main sur le bras de Gilbert et d'une voix plus grave. « Vous connaissez Madame d'Albreuse, n'est-ce pas ? » reprit-il. « Un peu et c'est assez. Ah ! Elle est du monde encore, mais elle est sur une pente mauvaise. Elle la descendra sûrement si elle ne l'a pas encore descendue. J'en étais sûr. À la surface de toutes les séductions, à l'intérieur tous les abîmes. Henri vous a-t-il tout dit ? Tout. Je l'espère, mais sa lettre, quand elle m'est parvenue, avait 8 jours de date. Madame d'Albreuse est-elle à lui ? Oui, si vous entendez par là qu'il est à elle. Parlons en homme. Vous êtes jeune, Gilbert, mais les amertumes de votre enfance vous ont donné la témérité et la réflexion, deux forces qui permettent de voir clair dans les choses de la vie. Quelle est la position vraie de Madame d'Albreuse ? Elle est en haut, mais elle chancelle. Sa fortune, elle en a eu et n'en a plus, mais elle s'y cramponne. Je n'ai pas besoin de vous demander si elle est intelligente. Mieux que cela, elle est pervertie. Avec tout cela, jeune et belle, ce ne serait rien. Elle est charmante. Étant ce que vous dites, comment se fait-il qu'elle ait vu Henri, un étudiant ? Tous les caprices sont dans le cœur d'une femme. Par hasard, l'aimerait-elle ? C'est difficile, mais elle fait mieux, elle le tient. Le duc se leva. « Allons, reprit-il, ce sera plus long que je ne pensais. Mais mort de ma vie, j'y laisserai mon nom ou je lui arracherai mon fils. » À son tour, Gilbert posa la main sur le bras de M. de Carlepont et froidement. « Si vous voulez délivrer Henri, attaquez-vous à Madame d'Albreuse et arrachez-le-lui. Quand l'antique Persée eut fantaisie de délivrer Andromède, et pardonnez-moi d'évoquer ce souvenir, ce fut le monstre qu'il frappa. Eh, mon gars, dans quelle université as-tu pris tes grades ? Sur le boulevard, ne vous en déplaise, monsieur le duc. » L'entretien fini, monsieur de Carlepont écrivit à monsieur de Bléré pour le mettre au courant de l'aventure. « Venez vite, disait-il, il s'agit de combattre une parisienne, deux hommes, ce n'est pas trop. » Le duc vit son fils dans la journée. Henri ne lui cacha rien. Monsieur de Carlepont ne laissa paraître aucune émotion. « Le chemin que tu suis, d'autres l'ont parcouru avant toi, » dit-il. « On y trouve, selon le temps, des bosquets ou des précipices. »« J'ai trouvé le ciel, » répondit Henri. « Nous verrons bien, » répliqua le duc. Le calme et l'indifférence apparente de M. de Carlepont trompèrent Henri. Il crut que son père acceptait la situation telle qu'il la lui avait fait connaître. « Mon père a vu le monde, il a connu la jeunesse, il s'en souvient, » pensa-t-il. Pendant les premiers jours, le duc observa son fils. Il s'aperçut bientôt après qu'il avait fait deux parts de sa vie. L'une appartenait au travail et à la solitude, l'autre à Madame d'Albreuse. Celle-ci empiétait chaque jour sur celle-là et la dévorait. Aucune distraction, aucun plaisir, plus d'amis, si ce n'est parfois Gilbert. Monsieur de Carlepont, qui voulait connaître Julie sans être exposé à lui être présenté, se cacha un soir au parterre d'un petit théâtre pour observer les deux amants qui occupaient une baignoire d'avant-scène. Le visage de son fils lui parut transfiguré. On eût dit un mortel pour qui une déesse est descendue de l'Empyrée. Le duc regarda longtemps Madame d'Albreuse et ne put se défendre de la trouver jolie, bien faite et d'une rare élégance. Elle avait le goût suprême de la simplicité. Rien à reprendre dans son attitude, rien dans sa toilette qui attira le regard. Un instant, elle salua quelqu'un qui était assis à l'orchestre. Son sourire et son regard devinrent tout à coup hardis. « Ah, le pied fourchu !» murmura M. de Carlepont. La personne que Mme d'Albreuse avait saluée se leva et vint causer avec elle, debout devant la loge. Le visage d'Henri s'assombrit. Quand le visiteur s'éloigna, Julie enveloppa son compagnon d'un coup d'œil où il y avait tout à la fois tant d'ironie câline, de tendresse, de doux reproches, de promesses voilées. Que le jour succéda subitement à la nuit sur ce front troublé. En une minute, le visage d'Henri changea 3 fois de couleur. « Ce sera une bataille, » pensa le père attristé. Un peu avant la fin du spectacle, Madame Dalbreux sortit. Le dernier regard qu'elle jeta sur l'assemblée n'était pas celui d'une femme du monde. C'était moins un regard qu'une œillade. Elle voulait être vue. Le mouvement de la taille, au moment où, debout sous la pleine lumière de la rampe, elle ramenait son châle autour de ses épaules, n'était pas sans manège. « Voilà les riens qui la trahiraient, s'il savait voir, se dit-il. » Monsieur de Carlepont sortit après elle et la suivit de loin. Elle marchait d'un pas léger, vif, harmonieux. Henri ne l'accompagnait pas. Il la soutenait. Une voiture passait sur la chaussée. Henri l'appela. « Il fait si beau, » dit Julie. Mais déjà, il avait ouvert la portière et, poussant Madame Dalbreux d'un geste passionné, il sautait après elle dans le coupé, comme un chasseur qui emporte sa proie. Le lendemain, Monsieur de Carlepont se rendit chez Monsieur de Lanta et lui fit part de ses observations. Gilbert, qui était en train de fumer, jeta son cigare. « Ah, » dit-il, « vous ne m'apprenez rien. J'ai vu votre fils dans le salon de Madame Dalbreux. » « Ah, Madame Dalbreux a un salon. » « C'est-à-dire un appartement qui s'ouvre à jour fixe. » « À la surface, c'est la même chose. Elle m'a reçu avec une telle grâce que du premier coup, j'ai compris qu'elle me haïssait. Je suis l'ami, le meilleur ami d'Henri. Je suis donc condamné. » « Une nature si droite. Un cœur si loyal. Comment a-t-il pu se prendre à cet être qu'une atmosphère de corruption enveloppe ? Élevé pour le bien, c'est le mal qui l'attire. L'agneau lèche le sel et dédaigne le miel. C'est la loi fatale. » Henri subit l'attraction qui pousse les natures honnêtes vers les natures perverses. Je ne me suis garé de cette contagion que parce que je vaux moins que lui. Soit, mais elle. Je pourrais vous répondre, et vous le savez aussi bien que moi, que cette influence agit en sens inverse et avec la même énergie. Le ver n'aime-t-il pas les beaux fruits mûrs ? Mais cette philosophie ne me suffit pas. Il y a, dans la circonstance qui nous occupe, quelque chose de plus que je ne réussis pas encore à m'expliquer. Quelque chose que nous ne savons pas, que je cherche, qui est et qui renferme le mot vrai de l'énigme. Jusqu'à présent, toutes mes suppositions ont été mises en déroute par des faits imprévus. Ah, si Henri avait des millions, tout serait expliqué. Un instant, j'ai eu fantaisie de me dévouer pour lui. Nouveau cursus, je me jetais dans le gouffre avec ma bonne mine et quelques 100 000 francs. Henri m'aurait ouvert le ventre, mais c'était un détail qui se perdait dans l'ensemble de mon roman. Malheureusement, j'en étais pour mes frais d'invention. Dès les premières hostilités, j'ai compris que la place ne se rendrait pas. J'ai prudemment battu en retraite avant de m'exposer à un échec qui eût été sans profit pour l'un et inutile pour l'autre. Battu, j'ai failli croire que Madame Dalbreux avait l'amour de l'amour. Mais non. Madame Dalbreux a trop vécu dans la pleine fournaise de Paris pour naître encore à ses chimères. Son cœur est en cendres. Il ne reste que l'horreur de la solitude et l'insatiable passion du luxe. Patience donc, monsieur le duc. Toute cuirasse a son défaut, et nous trouverons celui qui nous permettra de battre la citadelle en brèche. Seulement, croyez-moi, ne brusquons rien. Il faut donner de la corde au brochet qu'on cherche à tirer sur la ride d'un étang, si l'on ne veut s'exposer tout à la fois à perdre et la ligne et le poisson. Même soin, même éducation, et voilà la différence, fit le duc en touchant du doigt l'épaule de son interlocuteur. Eh, monsieur le duc, attendons, s'écria Gilbert. Un matin, à quelques jours de là, Henri entra tout rayonnant chez Monsieur de Lanta. « Ah, mon ami, je suis fou, embrasse-moi » s'écria-t-il. « Qu'a-t-il donc ? La reine de Saba t'a-t-elle rendu visite ? Ne raille pas, elle est à moi. Elle s'abandonne à cet amour qui est toute ma vie. Madame Dalbreux ? Et serais-je si plein d'ivresse s'il ne s'agissait pas d'elle ? » La figure de Gilbert devint sérieuse. « D'abord, reprit-il, tu sais que je suis à toi. » Mais cela dit, causons. Si j'ai bien compris ton délire, il signifie en bonne prose que Madame Dalbreux remet entre tes mains le soin de son avenir. En un mot, elle brise avec le monde, oui. Et ton père ? Monsieur de Carlepont ne me reprochera jamais de me sacrifier, en supposant que ce soit un sacrifice à une femme qui s'est compromise pour moi. Compromise, hein, tu crois ? Gilbert ! S'écria Henri qui se leva. Le sourire qu'on voyait sur les lèvres de M. de Lanta a disparu. « Soit, reprit-il, ne discutons pas. Seulement, tu ne m'obligeras jamais à croire aux vertus immaculées qui courent les grandes routes. Que comptes-tu faire ? Me dévouer à elle, lui consacrer mon sang, ma vie, elle me devra tout. Je me sens une force à soulever des montagnes. Et tu ne gagneras peut-être pas de quoi payer le loyer d'une maisonnette. Mais rassure-toi, je serai là. » Et tu dis que Madame Dalbreuse consent à te suivre. C'est elle qui, ce matin, tout à l'heure, m'a proposé de partir. Julie ? Oui, Julie. C'est étrange. Se perdre. Elle, une triple essence de Parisienne. Et pourquoi ? Dans quel but ? Aimer, ce n'est donc rien. Gilbert haussa les épaules. Voyons, reprit-il, parlons en gens qui se connaissent. Et dis-moi simplement ce que tu attends de mon amitié. Car j'imagine que ce n'est pas seulement pour me faire part de ton triste bonheur que tu es venu ici. Henri fronça le sourcil. Tu as une manière d'offrir tes services qui donne envie de les refuser, dit-il. Pardonne-moi. Je suis amer parce que je suis sincère. Mais la main qui serre la tienne te sera dévouée jusqu'au bout. Parle donc. Eh bien, j'ai besoin de quelques milliers de francs pour les premiers frais de voyage et d'installation. Or, tu sais quelle est ma position. Une idée subite traversa l'esprit de Gilbert. Il fallait d'abord gagner du temps. Ce départ dont l'idée te rend si radieux n'est pas pour demain, j'imagine. Oh non, mais j'en presserai le moment le plus que je pourrai. Alors compte sur moi. Seulement donne-moi 3 jours. Un lorsque les maladroits m'a mis à sec. Une heure après, M. de Lanta entrait chez M. de Carlepont qui venait à peine de se lever. « Aux armes, Monsieur le Duc, s'écria-t-il, l'ennemi est à nos portes. » Et tout d'une haleine, il lui raconta ce qu'il venait d'apprendre de la bouche même de Henri. « À présent, nous avons 3 jours. Dans certaines circonstances, c'est 1 siècle, ajouta-t-il. « Ainsi, ton avis est qu'il ne faut plus attendre ?»« Non, certes, l'heure n'est plus de délibérer, il faut agir. »« Eh bien, franchement, j'aime mieux cela. » Monsieur de Carlepont, qui marchait de long en large dans la chambre, se frappa le front. « Est-ce que par hasard, qui sait, murmura-t-il, vous avez une idée ? Mieux que cela, un espoir ou une crainte, comme il te plaira. Je vais en avoir le cœur net avant 1 heure. » Monsieur de Carlepont s'habilla à la hâte. « Peut-être mon fils n'aura-t-il pas besoin des 1000 francs qu'il veut emprunter, mon garçon. Quant à moi, je vais chez Madame Dalbreuse, reprit-il. Ah, vous allez engager le feu. « Bonne chance. J'ai fait un peu de tout jadis. Je m'en souviendrai, j'espère. Et peut-être verra-t-elle que je suis un adversaire avec lequel il faut compter. »